إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est au cours numéro 10 dans les méfaits de la démocratie. L'explication, on explique et on lit le livre du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi, Al-Adilla al-Shar'iyya li kashf al-talbisat al-hizbiyya 'ala al-mujtama'at al-islamiyya. Et là aujourd'hui, on commence tout de suite avec un point qui est le point numéro 22 dans les méfaits de la démocratie, c'est shira'u al-aswat wa bay' al-dama'ir. C'est-à-dire acheter les votes et acheter les personnes. Hein, c'est-à-dire parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font parfois par rapport aux élections? Ils vendent leur âme, hein, ils se laissent acheter par des toutes sortes de bribes, toutes sortes de pots de vin ou des trucs de ce genre. On va voir un petit peu des exemples de qu'est-ce que le cheikh dit à ce sujet-là. Il dit « أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit précipitez-vous à faire des bonnes œuvres avant que viennent des fitan, des épreuves, des difficultés qui sont tellement lourdes, tellement grandes, tellement sérieuses qu'elles sont épaisses comme des tranches de ténèbres dans la nuit, des tranches de nuit. C'est comme si les ténèbres étaient épaisses, tellement épaisses durant la nuit que tu pouvais les trancher, en couper un morceau, puis hein, c'est comme si on comparait ça à des tranches de ténèbres, d'obscurité. Hein. Donc, cette fitna, elle est tellement épaisse, et tellement noire et obscure, que une personne, durant cette fitna, elle va se coucher comme étant une personne croyante et elle va se lever le matin mécréant et elle va se coucher croyant et elle va se réveiller le matin mécréant. Ou bien elle va se lever le matin croyant, elle va se coucher mécréant et elle va arriver le soir, elle va être croyante et le matin elle va être mécréante. Donc après le prophète Sansam il dit il vend sa religion pour un morceau ou pour une portion de la dunya, pour quelque chose de la dunya. Il vend son âme, il vend sa religion pour quelque chose de la dunya. Donc ça c'est des exemples qui vont arriver, des formes de fitan. Et le cheikh il explique, il dit « Inna min al-mafasid al-azima an yabi' al-insan dinahu bi thaman bakhs wa hadha alladhi yahsulu fi al-ma'arik al-intikhabiyya fatajidu al-shakhs li ajli al-madda wa thaman al-bakhs ينتخب حزبا ما معاديا لله تعالى فيناصره ويؤيده لأنه أعطاه مالا وإن وجد حزبا آخر أعطاه أكثر مما أعطاه الحزب الأول قام بتأييده وانتخابه هلما جره، فتجده ينتخب اليوم البعثي وغدا الناصري وبعد غد الاشتراكي واليوم الذي يليه الإصلاحي، وهكذا كل ذلك جريا وراء النعيم الفاني والعياذ بالله. Donc le chef il dit que parmi les méfaits très grands, les choses qui sont très mauvaises et qui sont très dangereuses au sujet des élections et du système électoral, il y a le fait qu'une personne vend sa religion pour un petit prix. C'est ça ce qui arrive dans les campagnes électorales, tu vois qu'il y a des gens qui, pour un petit montant ou une somme d'argent ou bien un bien dans la dunya, quelque chose qui est vraiment négligeable, qui vaut pas la peine vraiment, il va accepter de voter pour un parti qui s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala, et il va le supporter et il va l'aider et en échange ce parti-là va lui donner de l'argent, va lui donner quelque chose de la dunya pour que cette personne-là ait son vote. Et en particulier si c'est quelqu'un par exemple qui a un commerce ou qui a disons qu'il a un poste de responsabilité ou qui a une autorité sur les gens, il va commencer à, par exemple, on va lui dire écoute, si dans ton commerce tu vas mettre les affiches de notre parti puis tu vas supporter notre campagne, et ben nous en retour on va te donner telle chose ou tel intérêt ou tel bienfait. Et donc il sait très bien que c'est un parti qui est opposé à la religion d'Allah, mais pour la dunya, pour le bien dans la dunya, il accepte de supporter ce parti-là. Et si un autre parti vient pour lui offrir plus d'argent que qu'est-ce que le premier parti lui avait offert, par exemple là, ils lui ont dit on va te donner une voiture, l'autre il vient et dit ben on va te donner deux voitures, nous, mais tu nous supportes à la place de ce parti-là, et donc ça continue de cette façon. Et donc tu le vois, aujourd'hui il vote pour le parti Ba'ath et demain pour le parti d'Abdel Nasser, ou un autre jour pour le parti socialiste, ainsi de suite, il va voter pour le parti Al-Islah ou d'autres, ainsi de suite. Donc ça c'est les gens qui votent par rapport à leur portefeuille, par rapport à l'argent qu'on leur donne. Et donc ça c'est une grande fitna en fait, et ça montre que c'est une personne qui agit comme ça, c'est une personne qui n'a pas de foi ou d'honnêteté, de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le musulman il n'a pas de prix et là, on ne peut pas l'acheter, même avec des milliards de dollars, on ne peut pas l'acheter, peu importe quelle quantité d'argent on lui donne. Ça c'est le principe d'un vrai croyant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiratut taswir, ça c'est le phénomène des photos dans les élections. On sait que les candidats et les gens doivent faire une photo pour, par exemple, montrer leur visage aux gens qui vont voter pour eux, d'accord. Et ça, on sait que dans l'islam, les photos c'est haram. Donc, le cheikh il dit « Inna mimma afrazathu lana al-intikhabat wujub at-taswir bihaythu yulzam kullu man yuridu an yantakhib murashihan lahu fi da'iratihi al-intikhabiyya باستخراج بطاقة تسمى بطاقة انتخابية، وهذه البطاقة بلا شك أنها تشتمل على صورة لصاحبها سواء كانوا رجالا أو نساء. لشيخ الزي que ceux qui vont voter, non seulement que les candidats doivent se faire photographier puis ils affichent leur photo, mais les gens qui vont voter aussi doivent avoir une carte électorale, et sur cette carte électorale dans les pays musulmans, il doit y avoir une photo de la personne, que ce soit un homme ou une femme, d'accord. Et le cheikh il donne les preuves de l'interdiction de la photo et des images dans l'islam. Il dit « Al-adillatu ala tahrim suwar akthar min an tuhsar » Il dit les preuves de l'interdiction des images et des photos dans l'islam, elles sont tellement nombreuses que tu peux même pas les calculer et les compter, les preuves, tellement qu'il y en a des hadiths à ce sujet-là. الشيخ دي فمنها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة لفظ مسلم. Donc, c'est apporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc c'est un hadith Qudsi, ça dit, que Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui est plus injuste que celui qui essaie de créer ce que je crée? Alors, qu'ils essaient de créer une atome, ou qu'ils essaient de créer une graine, ou qu'ils essaient de créer une céréale, ou n'importe quoi, hein, ils sont pas capables, même la plus petite chose, sont pas capables de la créer. Hein? Et ça c'est la narration de Muslim. Et wa fihi ma aydan min hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ashadda an-nas 'adaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. C'est rapporté également dans Al-Bukhari et Muslim selon le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens qui auront le plus dur châtiment au jour de la résurrection seront les gens qui font des images, ou qui font des photos, ou qui font des sawar, des images, ou des dessins, ou des images, ou des photos. Wa lahuma ayyuban min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna alladhina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah yuqalu lahum ahyu ما خلقتم ولفظ البخاري. Donc c'est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Umar radiallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui font ces images, ils seront châtiés au jour de la résurrection, et puis on va leur dire pendant qu'on est en train de les châtier, pendant qu'on les châtie, on va leur dire: faites vivre ce que vous avez créé. Et bien entendu, ils ne sont pas capables de le faire, de les faire revivre, donc ils continueront à se faire châtier comme ça. Et ça, c'est la narration de l'imam al-Bukhari. Également, c'est rapporté par al-Bukhari Muslim encore, selon les paroles d'Abdullah ibn Abbas, qu'il a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ سُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الروح يوم القيامة وليس بنافخ واللفظ لمسلم. C'est rapporté par, comme j'ai dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait une image, quiconque dessine une image ou bien fait une image dans la dunya, au jour de la résurrection, on va le charger, ou on va lui imposer de souffler une âme à l'intérieur de cette image là, et bien entendu il ne pourra pas souffler l'âme. Donc c'est pour te dire comment Allah subhanahu wa ta'ala déteste que des personnes font des images ou des représentations de qu'est-ce qu'il y a une âme parmi les êtres humains ou parmi les animaux. Et ça c'est la narration de l'imam Muslim. Et aussi le cheikh il rapporte un autre hadith, il dit: أخرج مسلم من طريق سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال أدن مني فدنا منه ثم قال أدن مني فدنا منه حتى وضع يده على رأسه فقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم قال وإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر ولا وما لا نفس له. Donc c'est un hadith qui est apporté par l'imam Muslim dans son sahih selon la narration de Saïd ibn Abi al-Hassan. Il dit: il y a un homme qui est venu me voir, il y a un homme qui est venu voir Abdullah ibn Abbas, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un des plus grands savants parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas, et il a dit à Abdullah ibn Abbas: je suis quelqu'un qui fait des dessins ou qui fait des images, comme des êtres humains, des animaux, des choses comme ça. Lui, c'était un dessinateur ou bien un peintre. Oui, il fait des images, des portraits. Ouais, c'est ça, il y a des gens qui font ça dans la rue, des trucs comme ça. Donc, le cheikh, il mentionne ce hadith, et Abdullah, il a dit à Abdullah ibn Abbas, donc je fais ces images, ces dessins, est-ce que tu peux me donner une fatwa à ce sujet-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est halal ou haram, qu'est-ce que je fais? Et, Abdullah ibn Abbas lui a dit, rapproche-toi. Et il s'est rapproché. Il lui a dit, rapproche-toi. Il s'est rapproché encore. Après, il y a, jusqu'à ce qu'il mette sa main sur sa tête. Abdullah ibn Abbas a placé sa main sur sa tête. Et lui a dit, je t'informe de ce que j'ai entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment il lui répond à sa fatwa. Il lui fait une fatwa en mentionnant les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, voici ce que j'ai entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout, il a dit, tous les gens qui font des images sont dans l'enfer. Et on va, pour chaque dessin qu'il a dessiné, donner une âme à ce dessin, et qui va, et c'est-à-dire chacun de ces dessins-là va, on va lui donner une âme, et elles vont chacun de ces dessins-là va commencer à châtier la personne qui les a fait. D'accord? Donc c'est comme si les dessins que tu as fait, les images que tu as fait vont être vivantes au jour de la résurrection et elles vont te châtier ces images-là. Donc c'est très grave, auzubillah. Donc le cheikh dit wa qala wa in kunta la budda fa'ilan, et si tu as vraiment pas le choix de faire des dessins, que tu veux absolument dessiner quelque chose, ben fais quelque chose qui n'a pas d'âme. Dessine des choses qui n'ont pas d'âme, soit des arbres, soit des choses de la nature, mais pas des animaux, pas des êtres humains, d'accord? Donc ça c'est les exemples à ce sujet-là. Après il mentionne d'autres preuves encore. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة الأنصاري قال رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصوير. لفظ البخاري. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon les hadiths d'Abi Talha Al-Ansari. Il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien et des images, hein, ou des photos. Donc ça c'est la narration de l'imam Al-Bukhari. Et on voit qu'aujourd'hui malheureusement les musulmans ils mettent souvent des photos dans leur maison. Se rendent dans les salons des fois des musulmans, et tu trouves sur les murs les images, hein, les gens ils mettent des images de leurs parents, de leur famille, de leurs proches, sur, hein? En fait c'est déjà arrivé une fois à quelqu'un, il est allé pour voir une sœur pour se marier. Et la sœur voulait pas qu'elle voulait pas enlever son voile pour montrer ses cheveux à cette personne. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Quand c'était le temps pour aller donner la réponse de savoir est-ce qu'il est intéressé à se marier avec cette personne, eh ben il a remarqué dans une des pièces dans la pièce où il était, il y avait une photo de la personne là. Il demandait en mariage avec tous ses cheveux dehors. Donc là, il a dit, ben, finalement, j'ai donné mon approbation par la suite. Et puis après, plus tard, il m'a dit, quand la soeur lui a dit, mais toi, tu as accepté de me marier, même si tu n'avais pas vu mes cheveux, il a dit non, j'avais vu tes cheveux déjà. Et puis elle ne comprenait pas, et puis il a dit c'est parce que j'avais ta photo dans la pièce. Et donc c'était toute une histoire après par la suite. Donc moi c'est juste pour dire, les gens ils laissent malheureusement leurs photos là en public devant les gens, et dans les pièces des maisons, Et ça c'est haram parce qu'en plus ça fait en sorte que les anges ne rentrent pas dans la maison. Donc il faut faire attention aussi. Ok, après que tu as fini de faire la cuisine, tu l'enlèves le rideau. Ben, on va voir, il y a un hadith qui va parler de ça tout à l'heure. Mais c'est juste pour dire parce que maintenant des fois qu'est-ce qui se passe, tu rentres le journal chez toi, tu rentres des pamphlets là, des circulaires, des trucs comme ça, et puis il y a plein de publicité avec des photos. Donc ça aussi il faut faire attention, quand tu as fini de lire les journaux, des trucs comme ça, tu les mets dans le sac, tu les jettes, tu les gardes pas dans la maison parce que ça fait des images, des photos de personnes là, dans la maison. Donc ça c'est important. Et puis ensuite le Cheikh dit wa akhraja Muslim min hadith Ali قال نعم قال قلت لأبي الهياج أو الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Muslim, en fait le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib a dit à un autre compagnon ou à une personne qui était avec lui qui s'appelle Abil Hayyaj al-Asadi, il lui a dit voudrais-tu que je t'envoie faire une mission qui est pareil à celle que le messager d'Allah m'avait envoyé faire durant sa vie. Et il lui a expliqué c'était quoi cette mission. Tu ne laisses aucune image sans la détruire, et tu ne laisses aucune tombe qui est soulevée au-dessus du niveau du sol sans la niveler. Donc c'est pour dire que de détruire les photos, les images qu'on trouve dehors, ça fait partie des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam de les détruire. Et de même que les statues et de même que les tombes qui sont surélevées, bien entendu avec la permission des dirigeants musulmans pour éviter la fitna dans ce cas-là. Le cheikh dit قلت ولا حديث في تحريم الصور كثيرة جدا كلها تدل بعمومها على تحريم الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها مما لها روح. Le cheikh il dit donc tous les hadiths qu'on a mentionnés c'est la preuve de l'interdiction des images, et ils sont très nombreux comme on a pu voir, et ils sont tous des preuves dans leur sens général de l'interdiction des photos, peu importe qu'elles aient une ombre ou non. Et quand c'est des photos de ce qui n'a pas d'ombre, eh ben il faut pas qu'elle ait une ombre. Le cheikh il explique ça quand on parle des photos qui ont une ombre et des photos qui ont pas, des images qui ont une ombre, des images qui n'ont pas une ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les photos ou les images en trois dimensions. C'est-à-dire les statues, ok? Ils avaient pas une manière de dire les images en trois dimensions, alors ils disaient les images sans ombre. Les images qui n'ont pas d'ombre, les images qui ont une ombre. Les images qui ont une ombre, c'est celles qui sont en trois dimensions, donc les statues. Et les images qui n'ont pas d'ombre, c'est les images en deux dimensions, celles qu'on dessine sur une photo ou sur un papier ou sur un mur, une toile ou autre. Et pourquoi il mentionne ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire une distinction parmi certains égarés, qui ont essayé de faire une distinction entre les statues et les images. Ils essaient de faire croire que ce qui est interdit, c'est seulement les statues, non les images. Et ça encore, c'est faux. Il n'y a pas de preuve pour faire de distinction entre ces deux choses-là. Que ce soit une statue, que ce soit une photo en papier, ou en deux dimensions, ou en trois dimensions, les deux, c'est des choses qui rentrent dans l'interdiction. الشيخ الذي وقال النووي قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغير فصنعته حرام أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهة لخلق الله وسواء كان وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها أما التصوير سورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام وهذا حكم نفس التصوير. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Nawawi, il dit que nos compagnons, les savants du madhhab al-Shafi'i, de même que les autres savants, hein, en dehors de ceux-là, ils disent que de faire l'image d'un animal c'est haram, et que c'est une, quand on dit al-hayawan, c'est un être vivant aussi, ça peut être un animal, mais ça peut être tout être vivant, et ça comprend, ça peut même comprendre les êtres humains. Donc de faire une image de ce qui est vivant, hein, parmi les, ce qui a une âme, parmi les hommes et les animaux, c'est haram et c'est une interdiction qui est très sévère. Shadid al-tahrim. Ok? Et ça fait partie des grands péchés, al-kaba'ir. C'est pas parmi les petits péchés. Et la personne qui le fait, elle est menacée de cette menace sévère qui est mentionnée dans les hadiths. Et peu importe que la personne qui l'a dessiné ou qui l'a fait, il l'a fait pour la rabaisser cette image, pour l'humilier, ou bien qu'il l'a fait pour autre raison. C'est-à-dire l'intention pour laquelle la personne a fait cette image ou ce dessin, ça compte pas. Même si par exemple c'était pour rabaisser ou humilier cette image, c'est quand même interdit. Ouais, t'as pas le droit de le dessiner pour le faire. T'as pas le droit de dessiner une image pour marcher dessus. Même si c'est pour marcher dessus, tu comprends? Mais attends, on va arriver là-dessus. Ah. Ouais, pour s'essuyer dessus. En tout cas, je vais t'expliquer en fait. C'est que le fait de faire une photo, c'est pas permis, peu importe l'intention, même si c'est pour la rabaisser ou l'humilier ou la dénigrer, on n'a pas le droit de faire cette image. C'est haram dans tous les cas, parce que il y a dedans une imitation de la création d'Allah. Peu importe que ce soit sur un vêtement, ou sur un coussin, ou sur une pièce de monnaie, ou sur une pièce d'or ou d'argent, peu importe que ce soit sur un contenant, un verre, ou sur un mur ou autre. Hein, et en particulier les gens, souvent ils ont des enfants, et ils leur achètent des vêtements avec des dessins dessus, des photos d'animaux, des trucs comme ça, et des trucs de Spider-Man, Batman, tous ces trucs-là. Et tout ça, c'est haram d'acheter ça pour les enfants, yani. Hein, parce que c'est des images d'êtres humains, d'animaux, et on n'a pas le droit de faire ça. Et ça, c'est devenu une fitna, et même que c'est rendu à un point tel que, parfois même, tu vas essayer de trouver pour tes enfants des vêtements qui n'ont pas de dessin, puis tu vas en trouver, tu vas pas en trouver facilement, parce que c'est comme si on dirait que tout le monde fait, qui fabrique des vêtements pour enfants font des vêtements avec des dessins dessus, malheureusement. Le chef il dit ensuite, أما تصوير سورة الشجرة ورحال الإبل. Donc si tu fais des images d'un arbre ou des trucs de ce genre qui n'ont pas d'âme, dans ce cas-là, c'est pas haram. Hein? Ça, c'est pas haram en soi. أما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان وإن كان معلقا على الحائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. Le cheikh il explique ici ce que tu demandais justement. Il dit que maintenant on a parlé de le verdict de faire l'image, mais maintenant on parle non pas du verdict au sujet de faire l'image, mais on va parler du verdict de celui qui utilise cette image. Parce qu'il y a divergence, il y a pas une divergence, mais je dis qu'il y a une différence entre faire l'image soi-même et prendre une image qui a été faite par quelqu'un d'autre pour l'utiliser. Tu comprends? Donc, faire l'image, c'est haram dans tous les cas, peu importe pourquoi tu le fais. Mais maintenant, si c'est pas toi qui l'as fait l'image, quelqu'un d'autre l'a fait, et toi tu la prends, tu l'accroches sur ton mur, si c'est une image d'être humain ou d'animal, c'est haram. D'accord? C'est haram, peu importe que tu la mets sur le mur, ou sur un vêtement, ou sur un tissu, ou sur un rideau, ou n'importe quelle autre chose, ou sur même un vêtement, c'est haram. Et ça c'est haram dans le sens que quand tu l'utilises pas pour l'humilier. Toutefois, si tu l'utilises comme par exemple un tapis, tu le mets sur un tapis, ou tu le mets sur un oreiller, ou un coussin, et que tu t'assois dessus, ou que tu marches dessus, ou que tu t'appuies dessus, dans ce cas-là, c'est pas haram. Ok? Dans ce cas-là, c'est pas haram. Si c'est pour marcher dessus, ou si c'est pour t'appuyer dessus, ou t'asseoir dessus, tu l'humilies, tu le rabaisses, tu lui montres aucun respect à cette image, au contraire, tu la dénigres, cette image, en marchant dessus, en t'assoyant dessus. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est pas haram. C'est pas la même chose que, de l'honorer, d'accord? Mais il n'y a pas de distinction ou de différence entre ce qui est fait avec une image en statue ou trois dimensions ou ce qui est en deux dimensions. Tous les deux sont haram si c'est des images d'êtres humains ou d'animaux. Ensuite, le cheikh dit « وَهَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبُنَا هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وبمعناها قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وابو حنيفة وغيرهم. Il dit le cheikh que ça c'est un résumé de notre position au sujet de cette question là et ça signifie que il dit que ce sens là et cette signification là la grande majorité des savants parmi les Sahaba et les tabi'in et ceux qui sont venus après ont tous dit la même chose. Et il dit que c'est également le mazhab de l'imam Soufiane al-Thawri et le mazhab de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa et de d'autres parmi les imams de l'islam. Le cheikh il dit وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ إِنَّمَا يُنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلْ وَلَا بَعْثَ بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلْ وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل الصور. Le cheikh dit que certains parmi les salaf ont dit qu'on interdit uniquement les images qui ont une ombre, c'est-à-dire les images qui sont des statues ou en trois dimensions. Le cheikh dit en fait, ceux qui ont fait cette distinction-là, c'est un madhab qui est faux, c'est une position qui est absolument fausse de distinguer entre qui est en trois dimensions ou en deux dimensions. Et le cheikh, il dit la preuve, c'est que le rideau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait dans sa maison, il était en deux dimensions et ça n'avait pas d'ombre, l'image dessus n'avait pas d'ombre. Et malgré tout, ça a été interdit, il a ordonné de le déchirer, de le découper. Donc le cheikh il dit que ça prouve que c'est quelque chose de blâmable et que cette image n'avait pas d'ombre et le reste des hadiths sont généraux pour toutes les images, toutes les représentations. Et, non, c'est un verset, c'est un hadith du prophète. Non, pas Qudsi. C'est pas un hadith Qudsi, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu l'ordre de le déchirer. Ah ben c'est une révélation ça. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une révélation aussi. C'est pas juste le Coran qui est une révélation. Oui, mais Jibril, je vais te lire le hadith justement là, tout de suite après. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens parmi les gens d'égarement, comme je disais tout à l'heure, comme Qardaoui et d'autres, qui essaient de faire croire que les photos sont seulement interdites si la chose qu'on a photographiée est interdite elle. Tandis que si c'est des photos qu'on a photographiées, on a fait une image de quelque chose qui, selon eux, est licite, hein, comme c'est-à-dire qui est pas haram, mais dans ce cas-là pour eux c'est halal. Comme par exemple photographier une femme nue, c'est haram. Donc ils disent que ça serait une photo haram. Mais si c'est une photo d'une femme en hijab, donc pour eux ça serait halal. Si tu fais une photo par exemple de quelque chose de mauvais, comme un homme qui boit de la bière ou de l'alcool, ça ce serait haram, mais si tu fais une photo d'un homme qui lit le Coran, ça ce serait halal. Donc eux ils distinguent entre qu'est-ce qui est haram et halal dans les photos par rapport à l'action de la personne qui est photographiée, ou l'état de la personne qui est photographiée, et c'est ça pour eux qui distinguent qu'est-ce qui est halal ou haram dans une photo. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que la photo d'un être humain, peu importe qu'il soit en train de faire quelque chose de halal ou de haram, c'est haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des photos d'une façon générale, sans distinguer le fait que ce soit une photo de quelqu'un qui est en train de faire un péché ou non. Et si la personne qui est photographiée est en train de faire un péché, eh bien c'est encore plus grave dans l'interdiction, c'est encore plus sévère dans l'interdiction dans ce cas-là, d'accord, mais c'est pas pour dire que sinon c'est dans un cas contraire, c'est permis de le faire. Ouais, bien entendu, si c'est une photo de passeport ou une photo de document officiel qu'on est obligé de, qu'on nous ordonne de faire et qu'on n'a pas le choix, comme un cas d'identité pour le gouvernement ou des trucs comme ça, ça c'est permis par nécessité, mais sinon c'est pas le cas. Non, mais parce que en fait, les photos du journal, tu parles des journaux faits par les koufars, eux ils croient même pas en l'interdiction des photos. Donc, mais dans un pays musulman, la plupart des gens qui font les photos ou qui font les trucs, des articles, ils imitent les médias dans les pays de kouf. Ils veulent imiter qu'est-ce qui se fait dans les pays non musulmans. Puis ils mettent des photos sans même prendre en considération le fait que ce soit interdit, tu vois. Ou bien ils vont chercher des fatwas de Qardaoui ou d'autres pour essayer de se justifier dans qu'est-ce qu'ils font de haram, tu vois. La plupart, souvent, c'est des journalistes laïcs. Ils croient même pas en l'islam parfois. Donc il faut pas s'étonner qu'ils vont faire tout ce qui est haram, tu vois. Donc, il y a ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, le cheikh, il a marqué, il a parlé de ça justement, le cheikh, je l'ai pas mentionné, j'ai parlé des vêtements, des tapis, mais le cheikh, il a aussi mentionné les photos d'animaux qui sont dessinées sur les pièces d'or, les pièces d'argent, comme même l'argent ici au Canada, il y a des animaux dessus, comme le caribou, puis il y a d'autres animaux, mais il y a le castor sur le 5 sous. Et sur le papier aussi, il y a une image d'une personne, la reine d'Angleterre. Et donc ça rentre dans ce qui est... Donc le frère, il veut se débarrasser de tout son argent, là il veut plus de tout sur lui. Non. Tu peux... comme un totem là, un truc de totem. Ouais, les Indiens adorent ça. Mais en tout cas, de toute façon, comme je te dis, ça c'est encore une fois peut-être, ça peut rentrer dans la nécessité si t'as pas le choix de transporter de l'argent sur toi. Sinon aujourd'hui, ben il y a les cartes plastiques là, tu rentres dans quand tu veux payer avec Interact ou quoi. Ouais, c'est une alternative à l'argent. Donc peut-être ça peut t'éviter de transporter des photos sur toi, sur l'argent. Mais bon, c'est pour vous dire quand le mal est répandu là, c'est généralisé là, il n'y a pas rien que tu fais sans, tu peux rien faire sans qu'il y a quelque chose de haram qui soit relié avec, malheureusement. Le cheikh il dit ensuite, قلت يشير رحمه الله إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان طوطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est un hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Sunan Abi Dawood. Et ce hadith-là il est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu. Et en fait c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que Jibril il est venu le voir et lui a dit je suis venu hier soir et il n'y a rien qui m'a empêché de venir accepter que où il n'y avait rien qui m'avait empêché d'entrer, excepté que il y avait une statue à la porte. Et il y avait un rideau avec des images dessus. Et, ouais, et il y avait un chien dans la maison, un petit chien dans la maison. Alors, Jibril a dit, ordonne de faire couper la tête de cette statue, il va être comme la forme d'un arbre. Et ensuite, ça veut dire, il va être comme un arbre, considéré comme un arbre parce que il a plus de tête, le corps. Donc c'est plus considéré comme un être vivant. Ensuite, il a dit, ordonne qu'on prenne le rideau et qu'on le coupe, et qu'on fasse avec deux coussins qui sont humiliés et sur lesquels on marche dessus ou bien sur lesquels on s'appuie dessus. Oui, ça d'atteindre, ça peut être un tapis ou bien un coussin qu'on utilise pour s'appuyer dessus. Le fait qu'ils les aient coupés et qu'ils aient fait deux coussins avec, c'est sûr que les photos sont pas restées complètes là. Ils les coupent. Donc c'est comme si la statue on lui coupe la tête, on voit plus sa tête, donc c'est comme si c'est correct dans ce temps-là, puisqu'il est plus vivant quand il n'y a plus de tête. La même chose pour le rideau, quand il est coupé de façon donc on peut plus dire par la suite que c'est quelque chose de vivant. Et il a dit ordonne aussi pour que le chien, tu peux fermer si tu veux. Ordonne qu'on expulse le chien aussi, qu'on fasse sortir le chien de la maison. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Ensuite, il mentionne un autre hadith, il dit, ça c'est supporté, il dit, وَكَذَلِكَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِي فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته فجعل يمحوها يقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون وقد يقول قائل إن هذه الأحاديث خاصة بالمصورين لا بالمصورين لا بالمصورين. Donc ensuite le chef il mentionne un autre hadith, il dit qu'il supporte cela selon Abu Dawud al-Tayalisi et c'est rapporté selon Usama ibn Zayd. Il a dit je suis rentré là où était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la Kaaba et on a vu des images à l'intérieur. Alors il a redonné un seau d'eau et je suis venu avec pour lui donner l'eau et il a commencé à, avec l'eau, effacer les images qui étaient à l'intérieur de la Kaaba. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la malédiction soit sur des gens, que la malédiction d'Allah soit sur des gens qui dessinent ce qu'ils ne peuvent pas créer. Et ça c'est aussi rapporté par l'imam Abu Dawud al-Tayal ici dans sa musnad, et il est authentifié par l'imam al-Albani dans Sahih al-Jami'. Ensuite le cheikh il dit faqad ajab al-sheikh Abdul Aziz. Donc il dit, quelqu'un pourrait dire oui, ça c'est des hadiths qui parlent des gens qui font des photos. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet des gens qui se font prendre en photo, hein? Eux, est-ce que ces hadiths-là ont rapport avec eux aussi? Et le cheikh il explique, il dit que فَقَدْ أَجَابَ الشَّيْخ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا التَّسَاؤُلِ قَائِلًا كَمَا أَنَّ الْأَدِلَّةَ وَرَدَتْ فِي لَعْنِ الْمُصَوِّرِينَ وَتَوَاعُدِهِمْ بِالنَّارِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فَكَذَلِكَ الَّذِي يُقَدِّمُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِ أَخْذِ صُورَةٍ له داخل في ذلك. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال تعالى في قصة ثمود كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال عبد الواحد ابن زيد قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب إلا أنه رضي بقلبه. قال يا ابن أخي كم يد عقرت الناقة؟ قال قلت يد واحدة. قال أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ رواه أحمد في الزهد. فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة له. دونك للشيخ الذي que le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, on lui a posé la question au sujet des gens qui se font prendre en photo, et le cheikh il a répondu, il dit que les preuves qui sont mentionnées au sujet de la malédiction des gens qui prennent des photos, et le fait qu'ils sont menacés de l'enfer dans l'au-delà, eh ben on voit que ça s'applique également à la personne qui se présente lui-même pour se faire prendre en photo, et qu'il rentre dans ces menaces-là également. Et il mentionne le verset dans Sourate An-Nisa, le verset 140, qui dit « Et Allah a fait descendre dans le livre que lorsque vous entendez que les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en train de se faire renier, ou qu'on est en train de s'en moquer, alors ne vous assoyez pas avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils changent de sujet et qu'ils cesse de parler de qu'il parle de d'autres choses, sinon vous serez considéré comme étant pareil à eux. » Donc ça c'est une explication que le cheikh donne pour dire que si des gens sont en train de faire un péché, quelque chose de haram, ou de prendre des photos, et que toi tu es là et que tu es d'accord avec ça, eh bien c'est comme si tu étais celui qui est en train de faire ce péché-là. Donc tu t'en vas te faire photographier. C'est pas toi qui prends la photo, mais si t'es satisfait de te faire prendre en photo puis t'es d'accord avec ça, alors c'est comme si t'étais en train de le faire toi-même. D'accord? Et ensuite, il dit, le cheikh, une autre preuve de ce qu'il mentionne, c'est l'histoire de Samoud, Qissat Samoud. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé à Samoud comme épreuve au peuple de Samoud. Il a envoyé un prophète avec une grande chamelle. Cette chamelle, elle buvait beaucoup d'eau et il ne restait rien pour eux après. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit de ne pas la tuer. Et malgré tout, ils l'ont tué quand même. Alors, ça c'est dans le verset dans Sourate Ash-Shams, Hein, sur la Shams, le verset 11 à 15, ça dit que Samoud, le peuple de Samoud, ont traité de mensonge en transgressant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager. Et le messager d'Allah a dit, c'est la chamelle d'Allah, alors laissez-la boire, et ils l'ont traité de mensonge et ils l'ont tué. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça, leur a donner un châtiment à cause de ça, yani. Et ça c'est dans la surah, le verset, dans surah al-Shams. Donc, il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet-là, c'est que Abdul Wahid ibn Zayd, il a dit à Al-Hassan, « Oh Abba Saïd, informe-moi au sujet d'une personne qui n'a pas, qui n'a pas assisté à la fitna de, c'est-à-dire, informe-moi au sujet de quelqu'un qui a assisté à la fitna de Ibn al-Muhallab et qui n'avait pas été satisfait dans son cœur. Alors il lui a répondu en disant, combien de mains ont été coupables d'avoir tué la chamelle du peuple de Samoud? Il a dit une seule main. Il a dit, après il lui a dit, donc, n'est-ce pas que c'est le peuple entier qui a péri à cause de leur, du fait qu'ils étaient en accord avec ça et qu'ils ont été, qu'ils ont agréé ça et qu'ils ont été satisfaits de ça? Et il a répondu, donc c'est pour dire que le fait que toi tu n'aies pas été, disons, responsable directement dans le péché, mais que tu as été, t'étais là et que tu étais d'accord ou que tu l'as prouvé dans ton cœur, eh ben ça veut dire que toi aussi tu es parmi les coupables, c'est comme si t'es un complice. Et le peuple de Samoud, c'est pas tout le peuple qui ont tué la chamelle, c'est une seule personne dans le peuple qui l'a tué. Mais étant donné que le peuple de Samoud était d'accord et satisfait de ça, eh bien le châtiment est tombé sur tout le peuple au complet, et non pas sur l'individu qui l'avait tué la chamelle seulement. Et donc ça c'est un exemple que le cheikh il mentionne, il dit que ça c'est rapporté dans la parole de l'imam Ahmed dans Az-Zuhd. Le cheikh il dit que ces deux versets là ils prouvent que la personne qui satisfait d'une action, il est comme celui qui l'a fait, et il rentre dans ça. Et voilà, et la seule personne qui est excusée, c'est la personne qui fait une photo à cause d'une nécessité et qui n'a pas le choix de la prendre. Okay. Ensuite le cheikh il dit, ومن المضحكات المبكيات أن نسمع من بعض دعاة الانتخابات فتاوى يدنى لها الجبين يدني لها الجبين فمن ذلك ما قاله بعضه من الانتخابات تقاس على الحج لجميع الضرورة لجامع الضرورة في جميع التصوير لها بمعنى أنه كما يجوز تصوير المرأة في جواز السفر للحج فكذلك يجوز لها أن تتصور لكي تستخرج بطاقة انتخابية حتى تتمكن من أن تنتخب وتنتخب أو تنتخب. أقول يقول تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا لفظ البخاري. ويقول أيضا إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. Donc il dit parmi les choses qui sont tristes, qui font rire et pleurer en même temps, c'est qu'on entend certaines personnes qui invitent les gens à participer aux élections, parmi les gens qui parlent au nom de l'islam, et ils sortent des fatwas qui te font suer, comme on dit. Et il dit quoi? Il dit parmi ces fatwas-là, c'est quoi? C'est que, soi-disant, ils essaient de faire une analogie ou un qiyas entre le fait de faire une photo pour la nécessité, comme le passeport, pour aller faire le hajj, et le fait qu'une femme se fasse prendre en photo pour faire, pour avoir une carte électorale et pour pouvoir participer aux élections. Donc, ils disent que ça, les deux, c'est équivalent. Ils disent que de la carte pour le passeport, pour faire le hajj, c'est obligatoire, donc c'est une nécessité. Et la même chose, la carte électorale, c'est obligatoire, c'est une nécessité. Donc, le cheikh, il dit, il mentionne le verset dans surat Al-Kahf, le verset 5, qui dit « Quelles grandes paroles graves qui sortent de leur bouche, ils ne disent que des mensonges. » Et il mentionne le hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari qui dit que Allah va faire, va reprendre la science. Et il ne va pas reprendre la science en l'enlevant du cœur des hommes, mais plutôt il va prendre la science en faisant mourir les ulama. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, les gens vont prendre des ignorants comme leur chef et ils vont leur demander des questions sur la religion et ils vont répondre en ignorance. Donc ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les autres avec eux. Et il mentionne le hadith également qui est rapporté par l'imam Ahmed dans la Musnad, qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans la Silsilat al-Hadith al-Sahihah. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ce que je crains le plus pour ma umma, ou ce que je crains le plus pour vous, ce sont les imams égarés, ou les imams qui égarent. » Al-Mudilloun, ceux qui égarent. Donc ça c'est, qu'est-ce que, ça c'est pour montrer le danger des gens qui parlent au nom de la religion sans connaissance et sans compréhension de la religion. Le cheikh il dit, إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الْفُتْيَةِ قَدْ أَعْمَتْهُ الْحِزْبِيَّةَ الْمَقِيطَةِ عَنْ أَنْوَارِ فِقْهِ الْأَدِلَّةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ القياس الصحيح والقياس الفاسد وقياس الانتخابات على الحج قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن يقال إن علماء الأصول قد عرفوا القياس ومن تلك التعريفات ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وأما قياس التمثيل فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي فمن خلال التعريف يظهر بطلان هذا القول وتلك الفتية وذلك أن الانتخابات محرمة والحج واجب أضف إلى ذلك أن دعوة الضرورة في الأخذ بالانتخابات دعوة غير صحيحة كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله في الفصل الثالث الشيخ يتلك la personne qui a fait cette fatwa elle a été aveuglée par son attachement à ce genre de parti de groupe et de parti politique et ça l'a aveuglé des preuves et de la lumière des preuves du fiqh et de la charia, et donc il n'a pas distingué entre le qiyas qui est valable, l'analogie qui est acceptable, et l'analogie qui est fausse. Et il n'y a pas de doute que de faire une analogie entre le hajj et les élections, c'est une fausse analogie et un faux qiyas, parce que c'est un qiyas, une analogie qui n'est pas reliée par quelque chose qui les rassemble, il n'y a rien qui les relie, ces deux choses-là sont différentes. Et les ulama, bien entendu, ils ont défini le qiyas et l'analogie dans l'islam, et ils ont expliqué les conditions et les règles que ça doit respecter pour que ce soit un qiyas qui est valable. Et il a mentionné la définition de l'imam Ibn Taymiyyah pour le qiyas, qu'on appelle qiyas tamthil, c'est-à-dire le qiyas entre deux choses qui sont pareilles, et il dit que il faut que entre les deux choses, il faut qu'il y ait un verdict qui est commun. Et donc le cheikh il dit que déjà en partant ça prouve que il n'y a pas un verdict commun entre le hajj et les élections, parce que les élections c'est haram, puis tu fais une analogie entre quelque chose qui est obligatoire comme le hajj avec quelque chose qui est haram, et tu dis puisque le hajj est obligatoire donc les élections c'est obligatoire alors que l'autre est haram. L'un est haram et l'autre est obligatoire dans l'islam, donc c'est pas un bon qiyas. C'est comme ceux qui voulaient par exemple justifier la mixité en disant qu'on se mélange dans les écoles et dans les autobus, donc ça c'est la preuve qu'on a le droit de se mélanger pour des activités islamiques. Donc comment tu te bases sur une chose qui est haram pour prouver qu'une autre est halal? Tu te bases sur une chose qui est haram, c'est-à-dire la mixité dans les autobus, la mixité dans les écoles, ça c'est haram. Tu te bases sur ça pour essayer de justifier une autre haram, pour essayer de dire si ça c'est halal, donc si le premier est permis, le deuxième est permis aussi. Mais commence par prouver que le premier est permis, commence par prouver que c'est permis de se mélanger dans l'autobus ou que c'est permis de se mélanger dans les écoles. Et si les gens le font, ça prouve pas que c'est halal. Mais eux, ils se basent sur le fait que les gens le font pour essayer de faire croire que c'est halal. Donc ça, c'est un exemple de mauvaise analogie que les gens font. Ensuite, le cheikh, il dit que, en plus, il dit avec la zalika an da'wa darura fi al-akhdh bil-ilm. En plus de montrer que, de dire qu'il y a une nécessité de faire les élections, c'est une fausse prétention de prétendre ça. Et on va l'expliquer, inshallah, dans le chapitre 3. Après, il dit وقد ضللت هذه وقد ضللت هذه الفتية وأمثالها كثيرا من الناس رجالا كانوا أو نساء وسأخص الكلام عن النساء لأنهن مأمورات بالقرار بالبيوت والتستر بالحجاب ولأن الفتنة حصلة بخروجهن فإن كثيرا منهن خرجنا إلى أماكن التصوير وأخذنا صورا لأنفسهن حتى يستخرجن بطاقة انتخابية فأين عقولكم عندما أفتيتم بمثل هذه الفتية الجائرة الظالمة وأنتم سميتم أنفسكم بالإصلاحيين فهل من الإصلاح أن نعرض بناتنا ونساءنا وأخواتنا وأمهاتنا لأن ينظر إليهن كل من هب ودب لشيخ زيت عيقاري لجاء أصدر cette فتوى et d'autres parmi ce genre de فتوى beaucoup d'hommes et de femmes ont été égarés. Et on va parler en particulier de la question des femmes parce qu'elles sont ordonnées de rester dans leur maison et de se couvrir avec le hijab. Parce qu'il y a beaucoup de fitnas qui arrivent lorsque la femme sort. Et la plupart d'entre elles, il y en a beaucoup d'entre elles qui sont sorties de leur maison pour aller dans les endroits où on fait les photographies. Et elles se sont fait prendre des photos d'elles-mêmes pour avoir des cartes électorales. Donc le cheikh il dit, quelle est votre raison lorsque vous avez fait ce genre de fatwa criminelle, injuste, et que vous appelez vous-même des islahiyin, des réformateurs. Il dit, quelle réforme vous avez faite? Est-ce que ça fait partie de la réforme et du bien de laisser que vos filles et vos femmes, vos épouses et vos sœurs et vos mères vont commencer à s'exposer devant les photographes et les hommes dans les magasins de photographie? Donc, le cheikh il essaie de faire comprendre que ce genre de choses-là, ça se fait pas, et le chef, il est au Yémen, donc on sait qu'au Yémen, les femmes sont voilées de la tête aux pieds, c'est pas comme dans d'autres pays musulmans où la femme marche parfois même à moitié nue et personne ne dit rien, parce qu'ils se sont vraiment fait influencer par la culture occidentale, tandis que là-bas, la culture islamique est restée forte et les règles de la charia sont appliquées en ce qui concerne la femme depuis des siècles, là-bas, c'est très sérieux. Donc, eux, ils peuvent pas concevoir et accepter ça, que tu vas laisser ta fille ou ta femme ou ta sœur aller montrer son visage à un homme pour qu'il prenne sa photo, là. Ça, c'est pas acceptable. Et soi-disant pour que ce soit pour une carte d'élection, là. Tandis que dans d'autres pays, malheureusement, dans d'autres pays musulmans, un homme, il laisse sa femme marcher en short dans la rue, puis, les hommes la regardent, ça lui dérange pas, parce qu'il a perdu sa fierté, il a perdu son honneur et sa dignité. Donc, au Yémen, c'est-à-dire c'est une loi dans le Coran et dans la Sunna, mais là-bas, c'est non seulement une loi dans le Coran et dans la Sunna, mais c'est resté fort, l'attachement à ça c'est resté encore solide là-bas. Malgré que tu vas voir qu'il y en a des filles peut-être pervers qui respectent pas tous les règles sérieusement, mais sinon en général, parce que là-bas c'est encore des pays tribales. Et les tribus imposent leur autorité sur les champs. Non seulement le gouvernement, des fois même le gouvernement il a de la misère parfois à cause de ça justement. Les tribus ont beaucoup d'autorité. Et donc c'est la fierté de la tribu, tu vois. Tu peux pas laisser ta femme marcher dehors comme ça là, tu vois, et montrer sa face aux hommes. Ah non, ça se fait pas. c'est un déshonneur. Donc c'est très respecté là-bas, comme en Arabie Saoudite d'ailleurs, et c'est pour ça. Mais les gens, ils veulent faire la corruption, ils veulent appeler les gens à ce genre de bêtises-là, donc ils profitent de ça pour corrompre les femmes, puis pour les faire sortir, puis se montrer la face, et se faire des photos et des trucs de ce genre. Ensuite, le chef, il termine en disant « فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا دُعَاتَ الْانْتِخَابَاتِ وَكُفُّوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ التَّضْلِيلَاتِ واشتغلوا بإصلاح أنفسكم ومجتمعكم تسعدوا ويسعد المجتمع بإذن الله تعالى وتسعد المجتمع بإذن الله تعالى. تأملوا أدلة تحريم الصور وكلام أهل العلم المحققين فيها حتى ترجعوا إلى رشدكم فإن الرجوع إلى الحق هو الواجب. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وحتى تحذروا من مغبة المخالفة أو من مغبة مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر رسول من مغبة مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشيخ يقول donc craignez Allah ô vous qui appelez aux élections et gardez vos langues de répéter ce genre de paroles d'égarement et occupez-vous vous-même à vous réformer vos personnes et vos sociétés pour avoir le bonheur, hein, et comme ça la société sera heureuse et il y aura le bonheur dans la société par la permission d'Allah. Et analyser et méditer sur les preuves de l'interdiction des images et des photos et écouter les paroles des savants à ce sujet-là, hein. Et si quelqu'un dit par exemple que qu'est-ce qui est haram, c'est de faire des images avec la main ou de dessiner ou de peindre, mais que les photos avec les caméras c'est pas haram, cette personne-là c'est parce qu'elle n'a pas de raison. Pourquoi? Parce que l'image que tu fais avec la caméra, elle est encore plus nette et plus claire et plus détaillée que l'image que tu peux faire avec ta main, en peinturant ou en dessinant. Et donc c'est encore plus grave et plus dangereux, la fitna est plus grande encore, hein. Si quelqu'un te montre une photo de quelque chose ou d'une idole que tu fais avec ta main, puis une image que tu dessines ou bien une image de l'idole que tu vas photographier, qui verse le vin dans cette eau-là. C'est haram quand même. Exactement. Exactement. C'est juste un moyen intermédiaire que tu prends pour faire la photo. Tu dis, j'ai pas dessiné avec ma main, sauf que t'as pesé sur le bouton. Comme le frère, il mentionnait l'exemple de qu'est-ce que Cheikh Al-Albani avait dit, par exemple, sur le fait que, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à quelqu'un de se laver d'uriner dans de l'eau qui est stagnante, c'est-à-dire qui circule pas, hein, et de se laver dedans. Donc ça veut dire, si quelqu'un par exemple, il va uriner dans un pot, puis il va prendre l'urine qu'il avait dans ce pot, il va la verser dans cette eau-là qui est stagnante, il a pas uriné dans l'eau. Mais l'action qu'il a faite, ça revient au même temps même, parce que à la fin, l'urine se retrouve dans l'eau, puis ça va rendre la mare d'eau impure et polluée à la fin. Donc, ça revient au même, et donc c'est pour montrer que quand le résultat est le même, eh bien le verdict est le même, d'accord. Et donc le cheikh il dit, et analyser les paroles des savants vérificateurs qui ont vérifié ces questions-là et qui ont analysé ces questions-là, et revenez à votre raison et à votre droiture, parce que de revenir à la vérité c'est quelque chose d'obligatoire. Il mentionne le verset 36 dans sourate Al-Ahzab, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décrété d'une chose d'avoir encore un choix dans leur façon d'agir dans leurs affaires, et quiconque désobéit à Allah et à son messager se sont certes égaré d'un égarement évident, et prenez garde également de tomber dans la contradiction de l'ordre d'Allah et de l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 63 dans surat al-Nur que ceux qui contredisent son commandement prennent garde qu'il soit frappé d'une fitna ou d'un dur châtiment ou d'un châtiment douloureux. Donc on va s'arrêter avec ça inshallah et on continuera donc la semaine prochaine avec un d'autres points encore parmi les méfaits de la démocratie inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.